Salut. On l'a vu en face, si vous voulez, on peut le revoir en vitesse. Mais c'est simple, c'est très simple. Le Hassan Nirayel, c'est le hadith qui est faible. C'est le hadith qui est faible, qui, yani dont la faiblesse n'est pas grande. Donc c'est un hadith faible, dont la faiblesse n'est pas grande, et qui est renforcé par un autre hadith du même niveau. C'est-à-dire faible, dont la faiblesse n'est pas énorme. Donc les deux hadiths, ensemble, ça donne un hadith, Hassan. Hassan li ghayre. Tamam? Na'am. Tayyib. Wa sahih li ghayre? Hadith sahih? Un hadith qui est sur les conditions du sahih. Hadith qui est sur les conditions du sahih? C'est pas deux hadiths Hassan qui sont là. C'est deux hadiths Hassan. Hadith Hassan مع hadith Hassan, ماذا تصبح صحيح لغيره. تمام. Mais lui aussi, Hassan. Hassan لغيره. Hassan لذاته. طيب. Donc on a fini, on a vu le hadith sahih et le hadith Hassan. الآن on va prendre le hadith ضعيف. قال الناظم رحمه الله وكل ما عن رتبة الحسن أو الحسن قصر فهو الضعيف وأقسام كثر. Ensuite là, l'auteur il dit, et tous les hadiths qui sont moindres dans le, qui sont du niveau moindre que le Hassan, ce sont des hadiths ضعيف. Ce sont des hadiths ضعيف. Et ce sont de nombreux. Le hadith d'arif se divise en de nombreux genres. Naam. L'anna al-mutaqaddimin kanu yaqsimun al-hadith ila qismain faqat. Sahih wa da'if. Avant, en temps de l'imam al-Bukhari, maintenant, avant encore, il coupait le hadith en hadith da'if et sahih. Tamam? Et c'est après, au temps de l'imam al-Tirmidhi, d'ailleurs ils disent que c'est lui le premier à avoir évoqué le hadith Hassan. Tamam? Mais en tout cas, ça c'est les trois grandes catégories de hadith. Hadith sahih, hadith Hassan, ou hadith da'if. Et Inch'Allah, dans les cours qui vont venir, on va rentrer dans les différentes sortes de hadiths. Tamam. On a tout fait bien d'accord.